Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytun. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier. Vettur sinin. Et par le mont Sinin. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. Et par cette cité sûre. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge ? أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Allah n'est-il pas le plus sage des juges؟